24, 21. Activation orale, futur, irrégulier. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Mireille et Robert vont aller au cinéma? Mais vous dites... Mais non, ils n'iront pas au cinéma. 2. Robert va s'ennuyer chez les Courtois? Mais non, il ne s'ennuiera pas. 3. Robert va mourir de faim. Mais non, il ne mourra pas de faim. 4. Les Courtois vont savoir que Mireille et Robert se connaissent. Mais non, ils ne sauront pas que Mireille et Robert se connaissent. 5. Robert va pouvoir partir seul avec Mireille. Non, il ne pourra pas.